Alors, vous écoutez Futur Simple au 89.1 et nous vous proposons maintenant une revue de presse avec une nouvelle recrue à l'émission, Bérangère Capdequi. Alors, Bérangère a terminé un baccalauréat en journalisme scientifique à l'Université Laval, Bérangère? International. International. Et c'est une maîtrise. D'accord. Alors, Bérangère, la parole est à toi. Bonjour. Alors, François, est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps lorsque vous dormez? Moi, je suis un gros dormeur, j'aime bien dormir, mais effectivement, j'avais à choisir à faire plein d'activités. Oui, effectivement, je dirais oui. J'ai l'impression de perdre mon temps. Eh bien non, en fait, c'est pas vraiment le cas. Et c'est ce qu'on apprend grâce au magazine Pour la Science, qui publie un spécial sommeil au mois d'octobre. Mm-hmm. Les auteurs de l'article, Giulio Tononi et Chiara Cirelli, sont tous les deux professeurs de psychiatrie à l'université du Wisconsin-Madison aux États-Unis. Ils nous apprennent que pendant le sommeil, des connexions entre cellules nerveuses sont plus ou moins affaiblies et donc que les souvenirs sans importance seraient oubliés, ce qui favoriserait l'apprentissage. Mmh. Alors non, en fait, on ne perd pas vraiment notre temps lorsqu'on dort, mais on perd en fait de l'information. Ça remet complètement en question la théorie classique qui dit que le sommeil renforce les connexions neuronales codant les souvenirs. En fait, le sommeil affaiblit ces connexions, sauf que les connexions liées aux souvenirs importants sont moins affaiblis, on garde en fait les souvenirs importants et on jette les autres. Okay. Alors, pourquoi le cerveau perd volontairement de l'information pendant que vous dormez? Eh bien, tout simplement pour ne pas s'épuiser. Avec ce tri quotidien, les circuits cérébraux ne sont pas saturés et le cerveau économise de l'énergie. Okay. Donc, c'est une question d'énergie, effectivement. C'est ça, exactement. Il peut donc, en fait, apprendre efficacement en gardant cette énergie et il garde au final les choses qui en valent la peine. Mmh. Alors, on lui fait confiance. Votre cerveau va passer l'éponge sur ce qui ne compte pas et garder ce qui est important pour vous. Vous pouvez maintenant dormir tranquille. Oui, mais des fois, on aimerait ça pouvoir... Si on pouvait oublier des souvenirs importants, mais douloureux ou encore traumatisants. Oui, c'est ouais. Ça, je suis bien d'accord. Alors, on reste dans le même thème, mais avec une nouvelle étude sur le sommeil. Oui, c'est la presse canadienne qui rapporte une étude des Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis et en fait qui évoque le fait que dormir trop ou pas assez pourrait nuire à la santé. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça augmente les risques de souffrir de certaines maladies. Ce constat se base sur une étude publiée dans l'édition d'octobre de la revue scientifique américaine Sleep. Mmh. Les chercheurs ont découvert que les adultes de 45 ans et plus qui ne dorment pas assez, donc 6 heures et moins, ou qui dorment trop, 10 heures et plus par nuit, sont plus susceptibles de souffrir d'insuffisance coronaire, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète, d'obésité et de troubles mentaux. Ils conseillent donc de dormir entre 7 et 9 heures par période de 24 heures en moyenne pour favoriser la bonne santé. Alors, si vous ajoutez à cela une bonne alimentation et de l'exercice physique, vous aurez absolument tout compris. Et oui, et ça, on ne le dira, je pense, jamais assez. Alors, on parle d'environnement maintenant avec une nouvelle rapportée par Le Devoir. Oui, c'est un article d'Alexandre Shields publié dans Le Devoir le 28 septembre qui évoquait un triste constat. Il annonce un recul majeur de la biodiversité d'ici quelques décennies. Pour cela, il se base sur une étude britannique publiée dans la revue Nature Climate Change. 55% des plantes et 35% des animaux devraient voir leur espèce de vie réduite de moitié d'ici 2080 à cause du réchauffement climatique si la tendance actuelle se poursuit bien sûr. D'après les chercheurs, donc, ce sont des plantes, les amphibiens et les reptiles qui sont les plus à risque, car le rythme de leur capacité d'adaptation est plus lent que celui du changement climatique. Alors, les zones les plus touchées seraient l'Afrique subsaharienne, l'Amérique centrale, l'Amazonie et l'Australie. Et comme le précise la chercheuse Rachel Warren, qui a contribué aux travaux du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, justement, cette estimation ne comprend même pas la dégradation accélérée de plusieurs milieux naturels, comme la Grande Barrière de Corail en Australie, par exemple, qui a perdu la moitié de ses coraux en seulement 3 décennies. Alors tout cela aura bien sûr des conséquences sur l'homme, parce que des espèces sont importantes pour la purification de l'eau et de l'air, et bien sûr pour limiter les inondations et le cycle de l'alimentation. Mmh. Et pour terminer, alors un effet direct de ces changements climatiques sur la population des caribous qui est maintenant menacée. Oui, effectivement, une étude publiée dans la revue britannique Nature Communication raconte que l'ours polaire ne serait pas la seule victime de la fonte de la banquise. Le renne du Groenland, communément appelé caribou, serait lui aussi menacé par ce phénomène lié au réchauffement climatique. Mm-hmm. Alors, Jeffrey Kirby et Eric Post sont tous les deux biologistes à l'université américaine de Penn State. Ils ont découvert que la population de caribou a décliné à l'intérieur des terres du Groenland. Ils ont en fait relevé une baisse de naissance et une hausse de la mortalité chez les jeunes. Alors pendant 11 ans, les chercheurs ont étudié une zone de toundra montagneuse dans l'ouest du Groenland et ils en ont déduit que la végétation y parvenait à maturité de plus en plus tôt dans l'année, soit 16 jours plus tôt en moyenne en 2011 par rapport à 2002. C'est quand même pas mal, ouais. C'est pas mal. Ce qui nuit en fait à ces herbivores, c'est la végétation abondante au premier jour du printemps, parce qu'ils n'ont rien changé à leurs habitudes migratoires. En fait, après de longs mois d'hiver, les rennes se dirigent d'habitude vers les zones où les herbes de la toundra sont abondantes, normalement au printemps, en fait la période qui coïncide avec celle où les femelles mettent bas. Mais les bêtes arrivent maintenant trop tard dans leur maternité traditionnelle. Les plantes ont dépassé leur pic de productivité et leur valeur nutritive a donc diminué. C'est donc un rendez-vous manqué, là. Exactement. Alors, l'étude précise que ce n'est pas le réchauffement lui-même qui est responsable de la maturité précoce de la végétation et donc du déclin démographique des rennes, mais bien la fonte de la banquise durant l'été. Ouais, c'est un peu triste tout ça, mais ce qui est encore plus désolant, c'est que les autorités gouvernementales ne font pas grand-chose pour renverser la situation. Merci beaucoup, Bérangère, pour ces nouvelles et on passe maintenant au mot de la fin.